Terrenen. Ute ntano utenat. Jejit skutematuhan papayok jihut. Tan jehuin tihuan jeji menuenumian. J'imagine que vivre dans une communauté, c'est apprendre jour après jour quelle est ma véritable identité, dans l'espoir d'un meilleur jour. Ntinyunute chen ntwasimet chatapmoko. Mak nino tuasimo, cici ka negaten dako, cici wijoko, cici menuen muto. Vivre dans cet univers construit pour les enfants de mes enfants, étouffant leurs pleurs dans la nuit, espérant apaiser leurs tourments. Ma réserve, mon ghetto, mon chez-moi, peu importe le nom que je te donne, tu enfuis une partie de moi, tu caches une partie de ma personne. J'imagine peut-être un peu trop ce que pourrait être la vie future. J'imagine pourtant mon passé plus beau. Mais la vie file à toute allure.